L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, au menu de cette émission, c'est d'abord la présentation de nos invités, Jean-Joël Le Chaplin, directeur de l'Apostrophe, avec qui nous allons parler de Viva la Vida, c'est le festival art et handicap qui se déroule en ce moment même sur le Val d'Oise, et d'Escale Danse en Val d'Oise. Nous évoquerons et nous aurons pour invité également ce Frédéric Wolff-Michaud, metteur en scène du spectacle du Bon Usage du Cannibalisme, qui sera à l'affiche au Théâtre des Arts de Cergy au mois de novembre. Nous aurons pour invité François Verret, artiste en résidence danse, avec qui nous évoquerons différents rendez-vous autour des chantiers 2014-2018, un vaste projet qui se construit étape par étape. Enfin, nous aurons des élèves du cours d'art dramatique qui nous feront part de leurs impressions à la suite du spectacle « La vie de Galilée » qui a été présenté au Théâtre des Louvrets à Pontoise au début de ce mois d'octobre. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Prochainement à l'affiche, c'est bien un spectacle de danse qui sera présenté sans plus tarder par Jean-Joël Le Chaplin, le directeur de l'Apostrophe. Alors je vais le dire avec mon plus bel anglais comme à l'habitude, An Evening with Judy. Une soirée avec Judy ? Voilà, c'est ça, c'est une soirée avec Judy Garland d'ailleurs, pour être complet, et qui est comme, on s'en souvient peut-être, la Dorothy de ce film qui est un petit chef-d'œuvre, qui le film du magicien d'Oz, n'est-ce pas, où il y a ces trois personnages qui arpentent à trois avec des caractéristiques différentes, l'homme de métal notamment, et puis cette petite Dorothy qui découvre un petit peu le monde et les relations entre ces personnages qui sont une métaphore des relations humaines telles qu'elles pourraient être dans un bel idéal. Et bien c'est le parcours de cette, non pas tellement du personnage du magicien d'Oz bien sûr, mais de l'actrice que Raymond Hogge, qui est le chorégraphe et interprète de cette pièce, nous propose. Alors il a déjà fait ça à plusieurs reprises avec d'autres figures comme ça du monde artistique, et là il s'attache à cette personne qui en fait a une vie assez formidable par certains côtés, notamment avec le succès de cette interprétation dans le Magicien d'Oz, mais avec une fin de vie absolument épouvantable, pauvre, complètement... elle est passée par les phases d'alcoolisme, de drogue, enfin, la caricature de ce que l'on imagine lorsque l'on parle des artistes. Hein, on les imagine au sommet, au pinacle, et puis on les imagine aussi dans les pires moments de vie totalement déstructurée, ce qui là fut le cas pour elle. Voilà. Donc, alors, voilà un peu l'interprète Raymond Hogge, danseur, chorégraphe allemand, dramaturge de Pina Bausch pendant une dizaine d'années, je crois. Oui, c'est ça. Enfin, cet homme a un parcours un petit peu particulier. Enfin, nous avons tous des parcours particuliers, mais il est repérable dans le monde du spectacle, puisqu'il s'est mis assez tard dans sa vie, après avoir eu des rapports avec l'écriture, il s'est mis au journalisme, il s'est mis à s'intéresser finalement au spectacle, et puis il a commencé à monter des spectacles, et puis il a aussi été en effet le dramaturge de Pina Bausch. Alors qu'est-ce qu'un dramaturge? C'est assez difficile à décrire ce qu'est un dramaturge. Enfin, en tout cas, c'est un conseiller artistique, c'est quelqu'un qui, auprès d'un artiste, va littéralement, le dramaturge est celui qui recense en fait l'ensemble œuvres qui ont été montées de par le monde autour d'une œuvre du répertoire. Hein. Donc le dramaturge dans les grands théâtres nationaux et internationaux, c'est ça. Il référence tout ça pour le metteur en scène qui voudrait monter telle ou telle œuvre. Hein. Alors ça, c'est le sens premier. Le deuxième sens est un petit peu plus contemporain, au sens où le dramaturge est celui qui va essayer de traduire sur le plateau de la meilleure des façons dans l'esprit le plus proche de l'artiste qui signe la mise en scène, de traduire ses intentions de mise en scène. Et donc ça concerne à la fois la scénographie, les parties préesthétiques de costumes éventuellement, de lumière, etc., l'approche générale du propos. Et on voit bien que dans une histoire comme celle de Pina Bausch, qui est véritablement une chorégraphe contemporaine disparue il y a quelques années, qui a marqué profondément notre époque. On voit bien, et notamment sur le terrain de la scénographie et de la dramaturgie, on voit bien que c'est une dimension extrêmement importante. Donc il a fait ce travail auprès d'elle pendant une dizaine d'années, c'est-à-dire les 10 meilleures années, enfin, en tout cas les 10 années où elle a créé des chefs-d'œuvre qui ont été conçus en commun avec lui. Et puis, depuis lors, il s'est intéressé à une démarche plus personnelle pour parler d'un certain nombre de projets, mais où il met toujours son corps particulier, lui aussi, en enjeu théâtral. D'ailleurs, il a pour credo jeter son corps dans la bataille, comme voilà. Le prenait en son temps Pasolini. Exactement, donc c'est exactement l'inspiration qui est la sienne. Et lorsqu'on sait que c'est une personne petite, de taille petite, qui a une malformation de la colonne vertébrale, il n'est pas fréquent et commun de voir des personnes comme ça qui, justement, plutôt que de cacher physionomie, eh bien, au contraire, la mettent en jeu et s'appuient dessus pour développer le propos qu'ils veulent mettre en place. Donc, c'est véritablement une personnalité très singulière. Nous sommes très heureux de pouvoir lui proposer ces deux soirées, et notamment aussi dans le cadre de Viva la Vida, dont l'objet est en effet de parler des créations artistiques qui sont faites avec ou à partir ou autour des personnes qui sont atteintes de handicap quelconque. Un spectacle en effet qui sera présenté dans le cadre de Viva la Vida ainsi que d'Escaldance en Val d'Oise. On va en dire quelques mots dans un instant. Juste pour les deux dates dont il est question, c'est le jeudi 9 octobre à 19h30 ainsi que le vendredi 10 octobre à 20h30 au Théâtre des Arts à Cergy-Centre. Là, il est question de véritables performances qualifiées même de viscéralement troublantes. C'est dire effectivement l'engagement physique dans ce qui sera proposé. Oui, enfin, en même temps, il ne faut pas voir dans la notion de performance et la notion d'engagement quelque chose qui relèverait d'une extrapolation physique qui serait aux antipodes de la caractéristique de l'individu. C'est plus dans la mise en mouvement sur le plateau des enjeux qui sont proposés. Autrement dit, et pour être plus clair, il ne va pas se mettre à faire du trapèze volant, Raymond Degue ou des échasses, je ne sais quoi. C'est pas de ce registre-là la performance. Elle est plutôt dans le cheminement, et c'est là où son rôle de dramaturge est important dans son propre parcours et dans ce qu'il nous propose aujourd'hui, où son cheminement en essayant d'entrer dans l'univers de Judy Garland, en l'occurrence, va lui permettre de mettre en lumière un certain nombre de références de sa propre vie et de traduire dans son corps et dans le corps qu'il met à voir sur le plateau ces différentes étapes et ces apparitions, on pourrait dire, de cette personnalité. Donc c'est en cela qu'est la performance. Ça n'est pas dans une espèce de développement, et l'engagement est là aussi, puisque quand même tellement facile pour un homme de représenter une femme. Voilà, et d'autant plus que quand on a des caractéristiques particulières comme celles que j'évoquais, et cependant il y arrive parfaitement. Et donc ça c'est un peu exigeant pour le spectateur, faut le dire, d'entrer dans ces univers, mais on y est bien récompensé par la tonalité et les émotions qui en surgissent. Le danseur révèle les failles de la femme derrière l'éternel sourire du mythe. C'est justement là la performance, ce dont il est question. Ah oui, tout à fait. fait. Et donc, dans tous les travaux qu'il a pu mener, celui-ci en est un parmi d'autres de ces dernières années, c'est vraiment une autre approche. Elle n'est pas spectaculaire, l'approche qui est faite par Raimundo Goethe de ses personnalités, mais elle est profondément intime, on pourrait dire. Jean-Joël Le Chapelain, plus rapidement, il va falloir nous dire pourquoi l'apostrophe s'est impliquée dans le festival Viva la Vida, festival art et handicap, je le rappelle, et aussi en accéléré, nous dire aussi, nous parler, on aura je pense l'occasion au cours des prochaines émissions d'en reparler, mais de nous parler, d'évoquer cette nouvelle formule d'escale danse en Val d'Oise qui sera proposée tout au cours de la saison et non plus sur la période du printemps. Alors sur le premier point de Viva la Vida, il est naturel que la scène publique et la scène nationale qu'est l'apostrophe s'intéressent à toutes les formes de public, et d'autant plus lorsqu'il s'agit de catégories, c'est un mot épouvantable, enfin de parties de la population qui ne sont pas totalement mises à l'honneur, c'est le moins qu'on puisse dire, tout au long de l'année. Et donc, c'est comme ça que nous avons, sur l'initiative d'Olivier Couder du Théâtre du Cristal qui avait proposé ces rassemblements, nous avons embrayé auprès de lui, nous avons souvent programmé les spectacles d'Olivier Couder, et nous sommes impliqués dans ce projet qui rassemble beaucoup de partenaires du domaine de la culture et du domaine du médico-social sur le département. Et c'est un des enjeux sur lesquels nous travaillons et qui était l'objet des rencontres professionnelles qu'on a tenues hier 7 octobre, que de se faire rassembler et travailler davantage ensemble les gens qui relèvent de ce secteur médico-social et les gens qui relèvent du secteur artistique et culturel. Alors pour ce qui concerne par la suite... La deuxième question qui concerne l'escale danse, là, évidemment, l'escale danse c'est un autre exemple du travail de mise en réseau que dans lequel est impliquée fortement la scène nationale, et donc avec les structures du département. Atomisé sur le département des centres culturels, des théâtres, des services culturels des villes. Nous avions depuis plus de 10 ans, 12 ans, 13 ans, créé cet événement au printemps qui s'appelle Escale danse en Val d'Oise, qui existe toujours et qui s'appelle toujours Escale danse en Val d'Oise. Mais il nous est apparu important, et notamment compte tenu du peu de programmation que pouvaient réaliser certains petits endroits, certaines petites villes ou petits équipements, petits en puissance économique ou en lieu, pas en qualité évidemment, de donner une certaine lisibilité sur l'année, autrement dit des projets qui auraient leur place qui ont toute leur place et qui auraient leur place dans l'événement du printemps, mais qui en fait sont programmés tout au long de l'année. Et donc on a édité une plaquette grâce au bon soin de notre collaborateur du théâtre Arnaud Vasseur, que je salue sur ce travail, pu mettre en perspective finalement l'ensemble des spectacles qui auraient toute leur place dans un événement de 15 jours, mais qui ne déméritent pas, puisque ce sont les mêmes contenus qu'on défend, mais toute l'année de d'octobre à juin. On se tiendra informé de cette programmation d'escale danse en Val d'Oise pour cette nouvelle saison. Il est temps de faire un détour en musique avec l'annonce d'un concert qui a pour titre Le Grand Théâtre de l'Amour de Jean-Philippe Rameau par l'ensemble Les Ambassadeurs dans le cadre du Festival Baroque de Pontoise. La date, c'est pour le samedi 18 octobre à 20h30 au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Et on va retrouver l'une des artistes qui sera à l'affiche de cette soirée, Sabine Devieille, qui est soprano sur le spectacle. On l'écoute, on la retrouve, extrait d'un album sur lequel elle chante Rameau. Yeah. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Spectacle qui a pour titre « Du bon usage du cannibalisme » de Jonathan Swift. Nous allons retrouver sans plus tarder Frédéric Wolf Michaud qui met en scène ce spectacle qui sera à l'affiche les 4, 5 et 6 novembre prochains à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy-Centre. « Du bon usage du cannibalisme » de Jonathan Swift. Un Irlandais ? C'est un Irlandais, oui, oui. Qui a écrit Les Voyages de Gulliver, entre autres. On le connaît surtout pour ses romans. On connaît moins sa partie, je dirais, beaucoup plus économiste et ironique sur ses conférences. Il en a écrit tout un certain nombre, dont fait partie celle sur laquelle nous travaillons, qui est « Du bon usage du cannibalisme », qui est un texte de 1700... Absolument, voilà, je cherchais à le dire 30, mais je savais qu'il y avait un 9 quelque part. Absolument, 1729. Romancier, pamphlétaire, poète irlandais du XVIIIe siècle, donc, et qui nous propose une rencontre avec un texte, sur le plan littéraire, assez exceptionnel, mais le propos... nous laisse un petit peu, non pas sur notre faim, parce que ce n'est pas bien choisi. Oui, alors effectivement, c'est un texte en fait qui pousse jusqu'au bout la démarche du capitalisme à outrance qui commence à se mettre en place à cette époque et qui pousse la logique de façon absolue et cruel, je veux dire, jusqu'au bout, en proposant pour finalement, puisque le problème des riches a toujours été les pauvres, et qu'on ne sait jamais comment faire pour nourrir tous ces pauvres, et bien simplement de manger les enfants des pauvres, ce qui allégera considérablement donc les habitants du royaume, donnera de l'agrément aux riches et soulagera les pauvres de leur vie de privation et d'horreur qu'ils rencontrent tout au cours de leur vie. Donc, et il déroule l'ensemble de ce texte en allant chercher tous les arguments les uns après les autres pour montrer dans une logique implacable et économique qui montre à quel point, à part faire ça, il n'y a rien d'autre à faire pour garder les riches tranquillement au chaud et enfin être débarrassés d'une certaine façon des pauvres. En parlant de cette viande, d'ailleurs, il disait dans son texte « Ce produit ne peut être exporté. La viande d'enfant était trop tendre pour supporter un long séjour dans le sel, encore que je pourrais nommer un pays qui se ferait un plaisir de dévorer notre nation sans sel. » Là, il parlait effectivement de cette relation plus que difficile entre l'Irlande, la réalité sociale de l'Irlande, avec le voisin britannique. Oui, absolument. Et comme le produit ne peut être exporté, c'est comme ça qu'on n'a pas de problème effectivement avec l'Angleterre et que l'Angleterre ne viendra pas tout d'un coup mettre un holà à la nourriture qui est d'origine et de fabrication irlandaise, à savoir les nourrissons irlandais et tout ce qui se tient sur le territoire irlandais à cette époque-là et qui vient envahir le territoire irlandais, c'est-à-dire les fameux papistes, donc les catholiques qui viennent prendre le pays et chasse les protestants. Donc effectivement, c'est un bon moyen de se sauvegarder une place et de ne pas avoir de problème avec l'Angleterre. On a bien compris, il y a plus qu'une dose d'ironie dans le traitement de ce sujet. En même temps, une telle résonance avec les actualités d'aujourd'hui, c'est ce qui vous a décidé de mettre en scène ce texte ? Oui, absolument. C'est la résonance très très forte qu'il y a avec notre époque et que effectivement, c'est la finance, enfin c'est l'économie et la finance qui dirigent le monde aujourd'hui. Et que ce texte puisse venir du 18e et dise déjà, montre et démontre avec une ironie implacable ce qu'il en est de ce système, je trouvais qu'aujourd'hui c'était vraiment le moment de le remettre un petit peu dans les oreilles de tous, parce qu'il est vraiment remarquablement fait, très très bien construit, assez, hard, dans le sens où vraiment il pose les choses vraiment avec une logique implacable, mais il est absolument actuel. Et on l'avait avec Jérôme d'ailleurs, juste en musique et texte fait une fois devant un public pour voir comment ça passait, parce que la charge est très très forte. Et les gens ne voulaient pas croire, le public ne voulait pas croire que le texte avait été écrit au XVIIIe siècle, d'où son actualité vraiment très forte aujourd'hui. Alors, de là à transposer ça au théâtre, avec un jeu qui soit et qui doit être éminemment théâtral, comment vous avez procédé ? Vous évoquiez la musique, je crois comprendre que la compagnie Luc M, que vous avez créée, co-créée, travaille depuis l'origine sur le croisement des disciplines artistiques, entre en particulier le théâtre, la musique et les arts plastiques. Absolument. Donc c'est toujours, Luc M a toujours travaillé à partir d'un texte, je dirais, qui accroche, un peu fondateur, et dans lequel je vais amener d'autres créateurs et d'autres qui viennent d'autres médiums, et avec lesquels on va travailler sur ce texte-là ensemble. Donc dans ce spectacle, on a à la fois de la vidéo qui est ici créée par Eve Liot, de la musique qui est interprétée et composée par Jérôme Bourdelon qui sera donc aux manettes, si je puis dire, et à la flûte, parce que lui, son domaine, c'est toutes les flûtes. En lumière, on aura aussi Antoine Duris qui travaillera avec nous. Et bon, pour la régie générale, Laurent Marot, et pour l'œil extérieur de la communication, Svetlana de Guéron. Et c'est vrai qu'on a tenu à... Donc moi, je mets en scène et j'interprète le rôle. Et toute la problématique est effectivement de mêler les trois médiums qui vont créer l'objet théâtral, la musique, la vidéo et le texte sur le plateau. Alors, on a défini pour cela un contexte qui est une émission télévisée avec sa conférencière et son musicien, qui vient faire ses intermèdes entre les discours de la conférencière, qui elle-même vient exposer donc son idée sur comment on pourrait donc gérer ces problèmes économiques aujourd'hui. Et en même temps, pas systématiquement, mais en même temps, viennent s'ajouter des images qui apparaissent sur le grand écran, comme on l'a dans les émissions télévisées, et qui mélangent effectivement des images de notre monde, des images du 18e, des images d'autres parties. Enfin, pas que, évidemment, j'ai vraiment voulu travailler sur, puisque nous sommes aujourd'hui dans la mondialisation, hein, donc sur à la fois des époques et en même temps des images du monde de façon mondiale et pas arrêtée simplement à l'Europe ou à un pays particulier. Et je crois savoir sans être dans l'illustratif pour autant. Nous essayons de ne pas être dans l'illustratif, bon, je vais y arriver, parce que sinon ça écrase trop le propos. Et c'est vrai qu'on veut travailler sur la finesse, quoi, je veux dire, de l'ironie, qui est à la fois qui a un propos énorme, et justement tellement énorme, et qui glisse en dessous des tas de sous-entendus qui permettent justement de soulever, je dirais, les parties qu'on ne veut pas voir, ou dont on ne veut pas parler, ou dont on parle, je dirais, en catimini. Exactement. Donc c'est un jeu effectivement entre toutes ces choses-là qui est à poser, et c'est la construction qu'on est en train de faire là en répétition. Alors un sujet qui au départ ne prête pas forcément à rire, et je crois que je vous rappelais au travers de cette création que le rire permet à la fois de dénoncer, de supporter la violence de ce qui est dit, et c'est tout le propos de cette mise en scène également. Oui, alors après, le propos est tellement énorme que, et l'ironie aujourd'hui quand même pas particulièrement répandue, parce qu'on peut dire que le 18e était le siècle de l'ironie, ce qui est quand même pas le cas du 20e et encore moins du 21e. Donc, effectivement, on rit, bien sûr qu'on rit, parce que c'est ce qui est dit est énorme, quoi, je dirais. C'est dit sur un petit ton tranquille, où on voit pas où est le problème. Maintenant, je pense qu'on rit aussi de plus en plus jaune au final, parce que ce qu'on est en train de nous dire est tellement d'actualité qu'on est vraiment plongé dans notre monde. Alors on est vraiment dans ces deux lieux qui effectivement dénoncent de façon tellement énorme qu'on peut le dire et en rire, et en même temps réveillent évidemment la profondeur des choses et ce qui est effectivement notre situation de globalité de l'ensemble de nos sociétés aujourd'hui. Le travail d'acteur, combien de personnes sur scène ? Eh bien, une, à savoir moi, puisqu'il y a la conférencière. Par contre, je serai, et ça avec un grand plaisir, accompagné par les élèves de terminale, un certain nombre d'élèves de terminale du lycée de Montesquieu à Herblay, avec qui je travaille par ailleurs en option longue pour le bac, qui ont accepté de travailler avec moi dans ce spectacle. Et on aura donc des moments scéniques avec un groupe entier qui viendront intervenir à l'intérieur de ce discours et donc de l'émission. Alors là, je ne vous dis pas ce qu'ils feront, parce que ce serait dommage, mais qui seront là présents aussi sur scène. À la fois virtuel et réel se mélangeant. Musicalement, c'est de la musique en direct ? Alors, c'est de la musique. Toute la musique a été composée par Jérôme. Il y a des parties qui vont être enregistrées, parce qu'elles sont plus orchestrales. Donc, Jérôme a fait tout un travail de façon à enregistrer et préparer des bandes et des parties, effectivement, directement jouées sur scène en direct, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure concernant ce spectacle ? Est-ce que c'est un spectacle qui donne à réfléchir par rapport justement à un état qui est bien présent aujourd'hui, la pauvreté ? On dit effectivement que les enfants pauvres sont de plus en plus mal acceptés à la charge de leurs parents, mais c'est vrai à l'échelle d'un pays. Tout ça, ça donne à réfléchir sur l'état de notre monde, mais aussi de notre pays. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens effectivement entendent le texte, participent à quelque chose qui est à la fois qui est un objet qu'on essaye de rendre à la fois féroce, que je veux dire, parce que le texte est féroce, mais aussi esthétique, à trouver une forme qui soit donc belle et imaginaire, quoi, qui crée quelque chose, donc que ce soit un beau moment, je veux dire, de théâtre. Mais en même temps, effectivement, je ne vois pas comment on ne peut pas réfléchir un petit peu, ou en tout cas sortir avec quelque chose dans la tête qui fait penser effectivement peut-être à notre monde d'aujourd'hui, mais après ça appartient aux spectateurs en propre, donc je ne sais pas ensuite ce qu'ils feront de cette réflexion sur ce texte et ce que dit et dénonce Swift. Merci Frédéric Wolff-Michaud. Je rappelle que le spectacle sera à l'affiche le mardi 4 novembre, mercredi 5 novembre et jeudi 6 novembre à l'Apostrophe Théâtre des Arts à Cergy, et qu'il sera repris plus tard dans la saison au mois de mars à l'espace Sarah Bernard à Goussainville. Merci à vous. Avec une date supplémentaire, le 16 novembre à 16h30 au Centre culturel Le Figuier à Argenteuil. Voilà pour ce spectacle du bon usage du cannibalisme de Jonathan Swift. Je vous propose un instant, ce pris sur le vif au cours d'une répétition pour vous donner à entendre le texte précisément. Mais à la décharge de mon ami, j'ajoute qu'il m'a fait cet aveu. L'idée lui a été mise en tête par le fameux Salmanazor, un indigène de l'île de Formose qui vint à Londres voilà 20 ans et qui, au cours de la conversation, lui raconta que dans son pays, lorsque le condamné à mort se trouve être une jeune personne, le bourreau vend le corps à des gens de qualité comme un morceau de choix et que de son temps, la carcasse dodue d'une jeune fille de 14 années qui avait été crucifiée pour avoir tenté d'empoisonner l'empereur fut débitée au pied du gibet et vendue au premier ministre de Sa Majesté impériale ainsi qu'à d'autres mandarins de la cour pour 400 couronnes. Et je ne peux vraiment pas nier

Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi toute la scénographie, toute la mise en espace du travail, ce décor qui change, qui se transforme, qui a plusieurs étages, plusieurs plans. C'est vraiment fantastique. Et on ne s'est pas du tout ennuyé pendant ces 3 heures, en fait. Le spectacle est très long et j'avais peur de m'ennuyer. Et pas un seul moment, on s'ennuie. Il se passe toujours quelque chose qui fait qu'il y a un retournement. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce spectacle. Alors moi, j'ai eu plaisir à redécouvrir la vie de Galilée, parce que j'ai lu pas mal de choses sur Galilée. Donc j'ai vraiment eu plaisir de retrouver tous les petits indices et tout ce qui a fait sa vie. Par contre, il y a eu quelques petits moments où moi, je me suis un petit peu ennuyé, où j'ai trouvé qu'il y a des passages où je ne suis pas forcément rentré dedans, donc c'est peut-être personnel, mais à certains moments, je me suis dit qu'il y avait des passages qui n'avaient pas forcément lieu d'être pour la mise en scène ou pour justement, ça ne m'a pas forcément apporté quelque chose. C'est sans arrêt en mouvance. Aussi bien effectivement les changements de vêtements, mais ils ne sont jamais statiques, quoi. Ils vont de gauche à droite et effectivement il y a un moment donné où ça donne un peu le vertige pour masquer les changements de scène ou les manières dont ils récupèrent des choses dans le décor. Les autres bougent, courent et effectivement on est pris dans cette frénésie là. C'était complètement dingue, quoi. Enfin, j'adore la pièce déjà, j'adore Galilée, j'adore cette pièce de Brecht. Mais j'aime beaucoup ce personnage de Galilée, mais le personnage historique, je veux dire. Mais c'est, la mise en scène est tellement inventive, il se passe tout le temps quelque chose. Et tout à coup, ils partent sur du clown, ils parlent du doute. Enfin, ils font un groupe de réflexion, je sais pas quoi, sur le doute, le groupe du doute. Et puis après, on revient au texte. Enfin, et un groupe de nonnes. Ah ouais, c'est extraordinaire, le groupe de nonnes avec les claquettes. Enfin, c'est complètement délirant. Ce décor qui est très sobre, très simple, Ikea, au début, là. Et après, qui bouge, qui se déforme, qui se... Enfin, c'est... Ouais, tu parlais de vertige tout à l'heure, mais c'est ça, ça donne... Ouais, il y a un côté, ça donne le vertige, quoi. Bon, notamment avec le prélat, là, en l'air. C'était génial, aussi. Allez, ouais, c'est une très très belle image avec ces guibolles qui sortent de sous sa robe et qui renvoient à ce que dit Brecht au tout début sur les jambes grasses ou maigres des prêtres, mais qui sont comme les nôtres. Enfin, bon, non, c'est génial. Ainsi s'achève notre émission. Pour toute information et pour toute réservation concernant les spectacles qui vous ont été présentés à l'occasion de cette émission, je vous propose de composer le 01 34 20 14 14. Le 01 34 20 14 deux fois, ou bien sur internet au www.l'apostrophe.net. Remerciements à tous nos invités et intervenants au cours de cette émission. Ce remerciement à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission et à Damien Gissa qui l'a réalisé avec brio comme cela est dit. Cette émission, animée par votre serviteur et animateur José Guérin, sera rediffusée samedi 11 octobre de 9h à 10h sur RGB, sur le 99.2 FM, ainsi que sur internet au www.radio-rgb.net, puis ensuite disponible en podcast sur le site internet de votre radio. Pour le prochain numéro de l'Apostrophe l'émission, rendez-vous est donné pour le mercredi 12 novembre de 19 à 20h. Au plaisir de vous retrouver à l'Apostrophe à Cergy-Pontoise et sur RGB sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net. Merci à vous pour votre fidélité. À bientôt. L'Apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.